n'avais plus. Quand on s'est revu, tu avais beaucoup changé. Quand on s'est revu, tu n'avais plus le même nez. Alors normal, tu n'avais plus les mêmes pensées. Je t'ai parlé longtemps, mais tu n'as pas écouté. Quand on s'est revu, je t'ai trouvé dispersé. Tes yeux noirs perdus, on aurait cru les briser. Tu m'as dit que vraiment, tu avais tout oublié. Le passé, c'est le passé, et que tu devais filer. Tu m'as dit qu'on se reverrait. On ne s'est pas embrassé, c'était trop, je le savais. Et après, j'ai regretté, j'aurais dû me contrôler. Te laisser ainsi partir, ce n'est pas ce que je souhaitais. Quand on s'est quitté, je ne savais plus qui j'étais. Tes yeux noirs déçus, j'aurais voulu les lécher. Pour me rappeler le passé, celui que j'ai perdu. Dans ton regard, j'ai lu qu'il ne fallait pas insister. Perdu le passé, tu n'avais plus. Perdu, on ne pouvait pas l'éviter. Tu es maintenant trop loin, que je ne veux plus te rechercher. C'est trop de temps à dépenser pour rien. Ça ne fait que raviver des sentiments malsains. Depuis on s'est revus et je ne savais que penser. C'était tellement inattendu que j'ai oublié de t'embrasser. Tu as baissé tes yeux et j'ai compris que le passé était cette fois bien enterré, oublié. Tu n'avais plus.